إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نواصل قراءتنا ودراستنا لكتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، وقولك الحق، إلى آخر الدعاء. فما زلنا في دراسة هذا الدعاء العظيم، وقد وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليك توكلت. فتكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وعليك توكلت. فقلنا: اللهم لك أسلمت بمعنى لك أسلمت، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الانقياد، انقياد التام لشرع الله جل وعلا. ولما قال: وبك آمنت، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الدين ما يكون ظاهر وما يكون باطن، وأما الدين الظاهر بالإسلام والباطن بالإيمان كما ذكرنا. ومعنى الإيمان قلنا هو الإقرار به المتضمن للقبول والإذعان، وأما الإقرار الذي لا يتضمن ذلك فليس بإيمان، بل لابد من قبول الخبر وإذعان للطلب. ولهذا قال أهل السنة: إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، واعتقاد بالجنان. Donc on va continuer, Inch'Allah. سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. On va continuer inshallah sur l'explication de ce dua qu'a rapporté Abdallah ibn Abbas, que lorsque le prophète Hassan se levait la nuit pour prier Allah jalla wa ala, donc il invoque Allah par ce dua. Donc ça fait plusieurs assises qu'on est en train d'expliquer cette invocation, du fait, comme on l'a dit, elle renferme de nombreux enseignements et de nombreuses leçons. Et on était arrivé lorsque le prophète, ensemble, dans cette invocation, il dit « Wa alayka tawakkalt », c'est-à-dire que dans la dernière allocution, on s'arrêtait sur l'explication de l'invocation du prophète, ensemble, lorsque le prophète, ensemble, a dit « Wa alayka tawakkalt », lorsqu'il dit « Et je place toute ma confiance en toi ». En s'adressant à Allah, le prophète, ensemble, dit « Je place toute ma confiance en toi », de manière relative, une traduction littérale. C'est-à-dire « Wa alayka tawakkalt ». Donc le prophète, sallam, ici, fait allusion à ce qu'on appelle « at-tawakkul », cette adoration. Donc « at-tawakkul », c'est une adoration, c'est le fait de placer toute notre confiance, de s'en remettre totalement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Walidhalik, pour cela, l'auteur du commentaire, Cheikh Mohammed ibn Saleh, alors Al-Taymin, dans ce commentaire, il dit que « at-tawakkul », c'est « al-i'timad ». C'est « i'timad ». Dans le sens que lorsqu'on dit « tawakkaltu ay i'tamadtu i'timadan », et dans l'explication, il dit, lorsque je dis tawakkaltu, c'est-à-dire dans le sens de i'tamadtu i'timadan tamman, c'est-à-dire le fait de s'en remettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala en reconnaissant ses manquements et ses déficiences, ses fautes. Et de ce fait, on remet aussi toutes nos affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait conclu notre cours sur la différence qu'a expliqué l'auteur du commentaire, la différence qu'il y a dans le fait de s'en remettre complètement à Allah, c'est-à-dire cette rémission totale et absolue envers notre Seigneur, pour notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et le fait de charger une tierce personne d'une affaire, de mandater une tierce personne d'une affaire et de lui faire confiance en cela. On avait mentionné la différence qu'il y a dans ces deux choses. La première, at-tawakkul ala Allah, le fait de se remettre à Allah, on a dit ça, c'est une adoration. C'est une adoration qui est mêlée de deux choses. De ce qu'on appelle iftiqar wa tafwid. Iftiqar wa tafwid. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'il s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala, ici, il montre sa faiblesse. Il s'en remet totalement à lui, avec toute humilité. Et ici, il fait apparaître son appauvrissement, sa dépendance, le fait qu'il est indigent envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, on voit sa faiblesse. On voit que le serviteur a besoin de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, il s'en remet complètement à lui. Différemment, lorsqu'on mandate une personne et on charge une personne pour accomplir une chose et on lui fait confiance. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymeen a fait la différence entre ces deux cas-là, ces deux choses-là. On avait terminé sur ça hier. Donc hier, dans la dernière allocution, on avait parlé de l'islam. Pourquoi ? Parce que le prophète Sam avait fait allusion à la soumission, à l'islam, lorsqu'il a dit « Allahumma laka aslamt, au Seigneur, pour toi, je me suis soumis. » Et on avait fait allusion aussi à la question de l'iman, la question de la foi. On avait fait une portée d'attention sur cela avec une explication du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam aussi, dans cette invocation, a fait allusion à la foi lorsqu'il a dit « Wabika amant » et « C'est en toi que je crois », une traduction relative. Et donc, c'est pour cela que, dans la dernière allocution, on a parlé de l'iman aussi. Donc, on a parlé de l'islam, on a parlé de l'iman, et ensuite, on a terminé notre cours et notre assise sur le tawakkul, sur le fait de s'en remettre complètement à Allah, Jalla wa'ala, et que ça fait partie des grandes adorations. Et si vous observez minutieusement dans le Coran, lorsque vous méditez les versets, lorsqu'Allah, Jalla wa'ala, nous rapporte et nous enseigne les histoires des prophètes et des messagers, et autres aussi, parmi ceux dont Allah Jalla wa'ala nous a évoqué leur histoire et narré leur histoire dans le Coran, on voit qu'ils étaient tous des exemples, des modèles d'exemplarité concernant at-tawakkul, concernant la pleine confiance, le fait de s'en remettre pleinement, le fait de revenir pleinement, le fait... c'est-à-dire cette rémission complète et totale envers le Seigneur de cet univers, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on observe et lorsqu'on médite vraiment les différentes histoires qui nous sont narrées dans le Coran, de prophètes, de messagers ou autres, on voit que les prophètes et les messagers étaient des exemples de tawakkul. C'est des exemples de tawakkul. On voit que vraiment, à travers leur histoire, on voit comment ils s'en remettaient complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes leurs affaires, ils remettaient cela totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute leur confiance était placée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit qu'ensuite, ça a été la clé de la réussite. On voit qu'ensuite, Allah Jalla wa'ala leur a accordé en finalité la réussite et le triomphe. Regardez par exemple l'histoire de différents prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. Si vous regardez l'histoire de Nuh alayhi salam par exemple, vous regardez l'histoire de Ibrahim alayhi salam, de Moussa, de Isa, l'histoire du prophète Mohammed sallam et d'autres qui sont évoqués dans le Coran, on peut constater, vous pouvez remarquer qu'ils étaient des exemples de tawakkul. Vraiment dans leur histoire, on voit vraiment que ils se sont distingués du fait qu'ils s'en sont remis complètement, lorsqu'ils étaient éprouvés, lorsqu'ils étaient face à l'adversité, lorsqu'ils étaient éprouvés par leur peuple, lorsqu'ils subissaient toutes sortes de supplices, on voit qu'ils plaçaient toute leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et n'ont jamais douté. Ils n'ont jamais douté de leur Seigneur et du secours de leur Seigneur. Et on voit qu'à la fin, Jalla wa'ala, Allah leur a accordé la bonne issue, la bonne finalité. Et c'est ça la finalité des vertueux et des pieux. C'est pour cela que les savants nous disent que les histoires qu'il y a dans le Coran, et comme on est dans une période pendant le Ramadan, les gens lisent le Coran et méditent les versets du Coran, donc c'est une période où il faut lire et multiplier la lecture du Coran, et surtout méditer les versets. Et les savants nous disent que si Allah Jalla wa'ala a évoqué certaines histoires dans le Coran, ce n'est pas en vain, c'est qu'il y a une sagesse immense derrière, il y a un but derrière. Pourquoi Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala a évoqué par exemple l'histoire de différents prophètes et messagers et autres encore. Et autres encore. Par exemple, on a l'histoire des gens de la caverne ou autres. Pourquoi Allah Jalla wa'ala a raconté, a narré ces histoires? Pourquoi il nous a évoqué ces histoires dans le Coran? Ce n'est pas en vain. C'est que le but, c'est que les croyants méditent ces histoires et tirent leçon de ces histoires. Donc il y a des enseignements qui sont profitables à travers l'étude de ces histoires. C'est pour ça que le croyant, lorsqu'il lit ces histoires, il doit tirer profit et utilité de ces histoires. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que combien lisent les histoires qui sont évoquées dans le Coran? Combien, lorsqu'ils ouvrent le Coran et lisent ces versets, donc lisent ces différentes histoires qui sont mentionnées dans le Coran, mais ne tirent pas profit? Soit ils ne se sont pas penchés, n'ont pas médité vraiment les histoires, et donc ils n'ont pas tiré les enseignements et les bénéfices de ces histoires. C'est pour ça que c'est important ça de le savoir. Beaucoup de gens lisent ces histoires, passent, survolent ces histoires, mais n'ont pas tiré profit. Par exemple, le cœur et l'esprit de l'appel de ces différentes histoires qui sont narrées, qui sont rapportées de prophètes et de messagers, le fait qu'ils appelaient à l'adoration, au tawhid, à l'adoration d'un Seigneur unique, le fait qu'ils appelaient les gens au istighfar, à demander le pardon, à demander l'absolution des fautes, le fait qu'ensuite ils étaient persécutés par leur peuple, le fait qu'ils ont patienté, et etc., parmi les enseignements et les profits à tirer de ces histoires. C'est pour ça qu'il faut vraiment les méditer. Les savants disent, c'est pas en vain. Il y a un but. Il y a un but immense pour lequel Allah Jalla Wa'ala nous a évoqué ces histoires dans son livre. Et le but, parmi les buts, c'est vraiment de tirer profit, de les méditer. Et ça, c'est le plus grand rappel que peut se faire la personne. Lorsqu'une personne, elle est éprouvée, et bien lorsqu'il regarde et médite les histoires des différents prophètes et messagers ou autres, hein, parmi ces histoires qui sont narrées dans le Coran, alors là il va trouver du soutien et ça va lui faire un rappel. Ça va lui faire vraiment un rappel et il va trouver du réconfort dans cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va prendre connaissance des épreuves qu'ont subies les peuples avant lui, les peuples de croyants, hein, les croyants, les épreuves qu'ils ont subies avant lui, et que lui aujourd'hui il subit des épreuves comme les croyants avant, dans les siècles précédents, ou dans les temps précédents, ont subi des épreuves. Et ensuite, lorsqu'il va lire ces histoires de ces croyants qui ont vécu dans les siècles précédents et les époques précédentes, qui ont subi des épreuves, et lorsqu'il va voir qu'ensuite Allah Jalla Wa'ala leur a accordé la bonne finalité et l'issue favorable, alors ça va le réconforter du fait que lorsqu'il se voit éprouvé, alors il sait qu'ensuite Allah Jalla Wa'ala lui trouvera une issue favorable et la bonne finalité. Ainsi, nous, on va avancer, Inch'Allah, on va terminer sur la question de At-Tawakkul. At-Tawakkul pour pouvoir avancer. Donc, on résume, sinon le sujet est plus long. C'est pour ça que ceux qui veulent des exemples de Tawakkul, des exemples de ceux qui s'en remettaient véritablement à Allah subhanahu wa ta'ala, ils plaçaient toute leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, vous voulez véritablement des exemples, alors ouvrez le Coran, lisez les histoires des différents prophètes et messagers des différents peuples croyants, et vous verrez des exemples immenses, hein, immenses de tawakkul, de rémission et de pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on va continuer, Inch'Allah, sur l'invocation du prophète, sallam. Donc ensuite, le prophète, sallam, après qu'il ait dit « Wa alayka tawakkalt » et c'est en toi que je place toute ma confiance, donc le prophète, comme on l'a dit précédemment, hein, a fait allusion à cette question de At-Tawakkul, ce qu'on appelle en arabe At-Tawakkul, qui fait partie des adorations, des grandes adorations qu'Allah Jalla Wa'ala a légiférées. Et donc, par ce Tawakkul, on se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, sachez que, comme on avait déjà mentionné dans une autre allocution, on avait parlé de ceux qui rentreront au paradis, sans jugement et sans châtiment. Et donc, dans le récit, le prophète Ansam dit 70 000 de ma communauté rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Ils rentreront au paradis directement. Et bien, parmi leurs caractéristiques, c'est que le prophète Ansam dit Warana Rabbihim Yatawakkalun. Regardez, après que le prophète Ansam a mentionné des caractéristiques, donc ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, juste je résume. Hein. Je résume. Le point, l'élément illustrant ici que je veux mentionner, c'est le fait qu'à la fin, après que le prophète Ansam ait mentionné les caractéristiques de ces 70 000 qui rentreront au paradis, hein, sans jugement et sans châtiment, de la communauté du prophète Mohammed, le prophète à la fin, il dit, parmi les caractéristiques et les qualités qu'ils ont, c'est que « Wa ala rabbihim yatawakkalun » et ils placent toute leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'en remettent complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, ça fait partie de la caractéristique de ceux qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Ensuite, ce hadith, c'est un hadith immense, il y a un grand commentaire. Je vous réfère si vous voulez faire rappel sur cela. Et surtout sur le nombre, 70 000. On a un autre récit qui dit pour chaque 1 000, 1 000. pour chaque 1000, ce qui augmente le nombre, ce qui augmente le nombre. Sinon, d'une manière générale, donc le prophète ensemble nous a parlé de gens de la communauté. Et ces gens-là, c'est ceux qui pratiquent, qui observent et qui ont vraiment la pratique du tawhid, de l'unicité d'Allah. Et leur tawhid, c'est un tawhid qui est complet. Comme on avait déjà mentionné, ils ont la complétude du tawhid, de l'unicité. Et parmi leurs caractéristiques, comme on l'a dit précédemment, c'est qu'ils s'en remettent complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallam les a décrits. Pourquoi? Parce que dans ce récit, les compagnons s'étaient demandés, se posaient la question, débattu les uns les autres, mais qui sont ces hommes? Qui sont ces hommes qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment? Donc des compagnons s'étaient dit, ça doit être les compagnons du prophète, ensemble, ceux qui ont accompagné le prophète, ensemble, d'autres compagnons se sont dit, non, ça doit être ceux qui sont nés dans l'islam et qui sont morts sur l'islam. Donc, les compagnons ont commencé à débattre les uns les autres pour savoir, mais qui sont ces gens? Parce que c'était une annonce immense du prophète, des gens qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Ils rentreront au paradis directement de sa communauté. Ensuite, lorsque le prophète revint, c'est là que il les a informés de qui étaient ces gens. Et donc, le prophète les a décrits, ces gens. Et parmi sa description, à la fin, il dit, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils placent toute leur confiance en leur Seigneur. C'est-à-dire, ils ont ce tawakkul, cette adoration. Et ça, je voulais vraiment évoquer ça. C'était vraiment pour souligner vraiment l'importance de cette adoration qui est at-tawakkul. Mais nous, on va continuer, Inch'Allah, sur l'invocation du prophète, sallam. Ensuite, le prophète, sallam, après qu'il ait évoqué et fait allusion au tawakkul, qu'il s'en remet complètement à Allah, subhanahu wa ta'ala, ensuite, et c'est pas, regardez, faut vraiment le méditer parce que le prophète, sallam, a évoqué à Tawakkul et fait allusion au Tawakkul après qu'il ait fait allusion à son islam et à son iman. Après qu'il ait fait allusion à l'islam ou à l'iman. Donc le prophète, lorsqu'il a dit, et c'est pour toi que je me suis soumis, donc le prophète a parlé de son islam, de sa soumission, ensuite de son iman, de la croyance, le prophète ensuite mentionne à Tawakkul. Et ça aussi, ça dénote l'importance du Tawakkul. Et après Tawakkul, le prophète va mentionner une autre adoration. Le prophète va mentionner une autre adoration, c'est ce qu'on appelle Al-Inaba. Al-Inaba. Et ça, on le comprend lorsque le prophète ensuite va dire « Wa ilayka anabt »« Wa ilayka anabtu » si vous voulez. Et lorsque le prophète sallam dit cela, il fait allusion ici à cette adoration qu'on appelle al-inaba en arabe. Al-inaba. Donc regardez le prophète sallam, il dit Allahumma laka aslamt wa bika amant wa alayka tawakkalt wa ilayka anabt. Maintenant le prophète sallam il dit wa ilayka anabt. Et le prophète donc fait allusion ici à ce qu'on appelle al-inaba. Al-inaba. Qu'est-ce que l'inaba? Al-inaba, les savants nous expliquent, ar-rujur, c'est le fait de revenir. Al-inaba, si vous voulez, c'est le retour. C'est une sorte de retour. Pour cela, on dit le fait de revenir. Et l'auteur du commentaire nous dit, cher Al-Athaymin, rahimallah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il dit, Ay ilayka rajat fi umuri kulliha. Lorsqu'on dit que al-inaba, en arabe, c'est le fait de revenir, c'est le retour. Comment cela se concrétise religieusement par rapport à l'adoration? Tout simplement, c'est le fait de dire ilayka raja'tu fi umuri kulliha. Vers toi, je reviens dans toutes mes affaires. C'est vers toi, ô Allah jalla wa ala, ô Allah, vers toi, je reviens. Vers toi se fait mon retour. En d'autres termes, en toutes circonstances, que notre retour se fasse vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ici, pour bien comprendre le sens ici de Al-Inaba. Donc, vous comprenez bien que si le prophète, après qu'il ait mentionné At-Tawakkul, cette immense adoration qui est la pleine rémission et la toute confiance envers Allah, subhanahu wa ta'ala, ensuite, lorsque le prophète a mentionné Al-Inaba, cette adoration, lorsqu'il a dit Wa ilayka anabta, donc là, le prophète nous enseigne une adoration qui est immense, qui fait partie des grandes adorations qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré. Et lorsqu'on dit adoration, vous comprenez le sens de l'adoration. L'adoration, c'est un acte, une action qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré. C'est quelque chose qu'il aime et agrée parmi des paroles ou bien des actions, qu'elles soient apparentes ou bien cachées. Donc c'est ça une adoration. Une adoration, c'est « Ismun jami'a li kulli ma yuhibbuhu Allah ويرضى من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. Donc une action, c'est un acte, une parole, une conviction qu'Allah aime et agrée. Et donc, l'inaba fait partie de ces grandes adorations qu'Allah Jalla wa Ala a légiférées. Et de ce fait, par l'inaba, par cette adoration, on se rapproche du Tout-Puissant, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'inaba, l'auteur ici du commentaire, Cheikh Al-Athaymin, nous explique que l'inaba, c'est qu'en toutes circonstances, on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala, que notre retour se fasse vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit même, regardez, même au niveau de la désobéissance, lorsque la personne il a été déficient, il a eu des manquements, il a été désobéissant, ensuite il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance. Et là le sens est très pertinent, lorsqu'il dit « Raja'atu min al-ma'asiyati ila ta'a, wa raja'atu ilayka fi tashil umuri » وَفِ الرِّزْقِ وَفِ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَبْتُ إِلَيْكَ فِ كُلِّ شَيْءٍ. Allez, c'est très pertinent ce que dit le Cheikh ici dans l'explication. Il dit, c'est-à-dire que en toutes circonstances, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit lorsque la personne a désobéi à Allah, il revient vers lui par l'adoration, par l'obéissance. Lorsque la personne, il cherche, il est en recherche de sa subsistance, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, même pour la demande de la subsistance. Lorsqu'il... Par exemple, il veut la facilité. Lorsque, par exemple, il veut entreprendre quelque chose, il veut la facilité, il revient vers Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah, Jalla wa Ala, lui facilite ses entreprises. En toutes circonstances, et c'est ça ce que vous nous expliquez, l'auteur du commentaire, c'est qu'en toutes circonstances, la personne revient vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Notre retour se fait vers le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et vous avez vu, c'est une adoration qui est immense. Et là, pour ceux qui observent bien, vous avez vu, là, on est en train de parler d'adoration. Donc, on est en quelque sorte dans Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. C'est pour cela que lorsqu'on observe bien cette invocation, comme on l'a dit précédemment, c'est une invocation qui pourrait être utilisée même comme épître pour enseigner aux gens qui veulent se renseigner sur l'islam. Si on va enseigner aux débutants, par exemple, l'islam, on peut utiliser cette invocation. Et vous pouvez trouver, c'est pour cela que de nombreux savants l'ont expliqué, l'ont commenté, cette invocation. C'est pour ça, entre autres, vous pouvez trouver une très belle explication pour ceux qui veulent se référer à cette explication, qui veulent plus de détails. Par exemple, l'explication de Cheikh Abdelrazak al-Abbad, qui a été même retranscrite, qui a été mise sur écrite, vous pouvez la retrouver, elle est disponible. Et c'est pour cela que lui, au début de son commentaire, Cheikh Abdelrazak al-Abbad, hafidhahullah, qu'Allah le préserve, il dit que cette invocation, on pourrait l'utiliser comme une épître à enseigner. Comme une épître, pourquoi? Parce qu'elle renferme aussi bien les enseignements du tawhid, de la croyance, des fondements, hein, des fondamentaux de la religion. Regardez par exemple, lorsqu'on a commencé l'invocation, on a commencé par l'étude des louanges, ensuite des éloges, ensuite on a étudié la seigneurie, on a étudié aussi des noms d'Allah, puisque le prophète ensemble ensuite dit « Nour al-samawati wal-ard » qu'Allah Jalla wa Ala était la lumière des cieux et de la terre. Donc on a étudié la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il était le seigneur des cieux et de la terre, les louanges, on a étudié les éloges. Ensuite, on a étudié l'islam d'une manière générale, l'iman d'une manière générale. Là, on est dans le domaine de l'unicité, le tawhid al-uluhiyya, puisque il nous est mentionné des formes d'adoration, les formes d'adoration. Donc le prophète, ensemble, lorsqu'il a dit « Alayka tawakkaltu » Alayka tawakkaltu wa ilayka anabt. Donc ça fait allusion à ces adorations, comme on l'a dit précédemment, de tawakkul de l'inaba. C'est pour cela que, par exemple, un frère qui voudrait, par exemple, apprendre quelque chose de basique dans la religion, qui se concentre, par exemple, sur cette invocation, quelque chose de simple. Par exemple, un frère qui voudra enseigner, qui a les compétences d'enseigner, il va enseigner à ses enfants ou à d'autres, ou enseigner à des gens qui sont plus débutants. Par exemple, enseigner cette invocation, ou bien des sœurs qui ont des compétences pour enseigner, elles veulent enseigner à des enfants, ou bien chez elles, ou bien dans des structures, elles veulent enseigner. Et parfois, on est à la recherche d'épîtres simples à enseigner. Et ben, par exemple, là, vous avez ce dora qui renferme aussi bien des leçons de aqida, de tawhid, d'adoration, de l'asma ou sifat et autres. C'est pour ça, là, on a vraiment des enseignements riches. Ensuite, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ilayka anabt, donc, on a dit, il a fait allusion à l'inaba, qui est le retour. أي إليك رجعت في أموري كلها، ورجعت في المعصية إلى الطاعة، ورجعت إليك في تسهيل أموري وفي الرزق وفي كل شيء. Donc en toute chose on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit pour la facilité, lorsqu'on veut qu'Allah nous facilite nos entreprises, lorsqu'on veut qu'Allah nous octroie la subsistance, lorsqu'on revient de la désobéissance vers l'obéissance, c'est-à-dire notre retour se fait constamment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, observez bien le prophète sallam. Ensuite, après qu'il ait dit wa ilayka anabtu, qu'il ait fait allusion à l'inaba, le prophète dit wabika khasamt. Wabika khasamt. Khasamt, yani kulla man yukhasimuni fik. Bika khasamt, c'est dans le, on pourrait le traduire pour toi, je me fais adversaire. Une traduction littérale et approximative et rapprochée. Pour toi, je me fais adversaire. Et dans l'explication, Shalatami nous dit dans le sens khasamtu kulla man yukhasimuni fik, c'est-à-dire je me fais adversaire de tous ceux qui se font adversaires de toi. Regardez, là c'est vraiment pertinent. Il faut bien méditer le sens. Lorsque le prophète sallam dit wabika khasamt, donc dans le sens et pour toi je me fais adversaire, dans le sens je me fais adversaire de tous ceux qui sont tes adversaires, qui sont les adversaires du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Fa'innani ukhasimu bik. Et donc, c'est pour cela que c'est comme si le prophète ensemble disait, donc pour cela, pour toi, je me fais adversaire. Adversaire de tous ceux qui seraient tes adversaires au Seigneur. Walbahuna laysat lidharfiyya. Maintenant, pour bien comprendre le sens, Chérissi va appuyer sur la linguistique arabe, sur la langue arabe. En considérant soit le ba, lorsqu'il a dit bika, vous avez vu dans la langue arabe, il y a la particule, la préposition ba. Ba. Alors, soit elle aura le sens de, elle aura la fonction en quelque sorte d'un complément circonstanciel, ou bien elle viendrait dans le sens de ce qu'on appelle en arabe el-istirana. Donc, si elle est dharfiya, c'est pour le circonstanciel, en quelque sorte un complément circonstanciel, si elle est dharfiya, ou bien elle serait dans le sens al-istirana. Al-istirana dans le sens de la demande d'aide. De la demande d'aide. Donc on peut considérer deux sens ici. Deux sens. Soit le ba, vous avez vu, ça se joue sur la lettre, hein, la première lettre qu'il y a sur wabika. Bika khasamt. Pour ceux qui ont des connaissances dans la langue arabe, bika, sur la lettre ba. Donc là, la particule ici, ba, soit elle serait dans le sens de circonstanciel, une sorte de complément circonstanciel, soit, deuxièmement, elle vient dans un sens de demande d'aide. Yarni, si maintenant elle vient dans un sens de demande d'aide, donc le sens de cette invocation du prophète, en somme, serait « Annaka tu'inuni anal khusumati ma'amman ukhasimu ». C'est-à-dire que ça sous-entendrait que le prophète, en somme, implore l'aide d'Allah Jalla wa'ala pour tous ceux qui se font adversaires à lui, qui sont antagonistes ou adversaires. Et donc, dans ce sens-là, le prophète, ensemble, lorsqu'il dit « Wabika khasamt » et pour toi, je me fais adversaire, si le ba viendrait dans le sens de la demande d'aide, ça prendrait le sens, donc il recherche, que le prophète, ensemble, recherche de l'insistance et de l'aide auprès d'Allah contre tous ceux qui se font adversaires, ou tous ceux qui sont antagonistes à lui, si vous voulez. ويمكن أن تكون الباء للظرفية ويكون المعنى, comme il dit le sens aussi de cette particule le ba pourrait avoir le sens de الظرفية, d'être un complément circonstanciel. Et dans ce sens, le doa du prophète lorsqu'il dit فيك خصمت, et ce sens-là prendrait فيك خصمت. Et de ce fait, on pourrait le traduire par « Pour toi, je me fais adversaire. » »« Pour toi, je me fais adversaire. » Donc regardez, c'est une subtilité de la langue arabe. Juste, c'est pour ça que je voulais vous faire partager ça. Juste sur une petite lettre, le ba du début, « Bika »,« Bika khasamt ». Soit ça pourrait être une demande, ça peut sous-entendre une demande d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète demande le secours d'Allah et le soutien d'Allah contre tous ceux qui se feraient adversaires à lui. Ou bien, ça peut être dans le sens, si c'est « al-dharfiyya » pour le circonstanciel, ça serait dans le sens « et je me fais pour toi, je me fais adversaire. Pour toi, je me fais adversaire de tous ceux qui, seraient adversaires à toi. En quelque sorte. Donc, vous avez vu, la traduction varie selon l'emploi. Selon l'emploi et l'utilisation du ba. Vous avez vu comment c'est subtil. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen précise bien cela. En d'autres termes, pour simplifier ici, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, implore Allah, subhanahu wa ta'ala, en lui disant, pour toi, je me fais adversaire. Et donc, Ar-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, yukhasam fillah, kama khusima Ibrahim, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a une preuve ici, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des adversaires et des antagonistes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici, hein, on a un renseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait adversaire de tous ceux qui étaient adversaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymeen nous donne un exemple avec Ibrahim alayhi salam dans le verset 258 de Sourate Al-Baqarah, lorsqu'Allah dit: n'as-tu pas vu celui alladhi hajja Ibrahim fi rabbi? N'as-tu pas vu celui qui engagea une dispute avec Ibrahim au sujet de son Seigneur? Donc on pourrait traduire le verset de la sorte. Donc ici, l'auteur du commentaire fait allusion à ce verset. Donc on a dit le verset 258 de Sourate la Vache, Al-Baqarah, où Allah Jalla wa'ala fait allusion à ce roi. Et dans ce verset, il est fait allusion au roi Nimrod. C'était un roi à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et comme il est dit dans l'histoire, c'était un roi de Babylonie. Donc c'est un roi de cette région de Babylonie, beaucoup connaissent sur la région de Babylone, si vous voulez. Et donc Allah Jalla wa'ala fait référence ici et allusion à cet homme, à ce roi qui était imbu plutôt de son pouvoir. Et Allah Jalla wa'ala nous dit dans le verset: connais-tu l'histoire de cet homme à qui Allah Jalla wa'ala avait donné de la royauté? Il était imbu dans son pouvoir. Alors il engagea une dispute avec Ibrahim alayhi salam au niveau de son Seigneur. Alors Ibrahim alayhi salam lui a dit: c'est mon Seigneur qui donne la vie et la mort. Alors l'homme, ce roi-là qui était imbu de son pouvoir, il dit: non, c'est moi qui fais vivre et mourir. Et donc Ibrahim alayhi salam l'a fait taire en lui disant: Allah fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc toi venir de l'Occident. Alors fabuhit al-ladhi kafar, donc ce tyran qui était imbu de son pouvoir, ensuite l'impie, il est dit, resta confondu, car là ne guide point les ingrats. Et donc vous avez vu, là il fait référence dans ce verset à cette dispute qu'il y a eu entre Ibrahim alayhi salam et ce tyran. Et de ce fait, on voit qu'Allah Jalla wa'ala s'est disputé avec lui au sujet du Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que, comme il est dit dans le verset, cet homme engagea une dispute avec Ibrahim au sujet de son Seigneur. Donc Ibrahim s'est mis en dispute, s'est disputé avec cet homme, s'est fait adversaire de cet homme pour son Seigneur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qu'il faut bien le comprendre. Et regardez donc le prophète, sallam, il dit « Wabika khasamt ». Et donc le prophète, dans son invocation, il dit « Et pour toi, je me fais adversaire ». Et effectivement, le prophète sallam a eu de nombreux adversaires. Alors que le prophète sallam appelait les gens au bien, appelait les gens en leur annonçant une bonne nouvelle, la nouvelle d'une vie future, éternelle, avec la félicité, l'agrément et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avertissait aussi d'un châtiment prochain. Donc le prophète sallam, en réalité, il était une miséricorde. Comme il est dit dans le Coran, le prophète est une miséricorde pour l'humanité. Alors, il s'est fait des adversaires et son peuple ont refusé cela. Et ça, d'ailleurs, c'est l'affaire de tous les prophètes et les messagers. C'est pour ça qu'il était judicieux que Cheikh Al-Athaymin, rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, ait mentionné l'exemple d'Ibrahim, puisque Ibrahim, dans le Coran, il est nommé comme, il est cité, hein, évoqué comme étant un bon exemple de cela. Le fait que Ibrahim avait subi l'adversité et l'antagonisme de son peuple, jusqu'à ce que, comme il est dit dans l'histoire, il ait été jeté dans le feu. Donc regardez, les prophètes étaient des exemples des exemples en la matière, dans le fait qu'ils avaient des antagonistes, qu'ils avaient des adversaires, et tout cela, c'était dans le sentier d'Allah, tout cela, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, le prophète sallam dit à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il l'invoque, il lui dit, « Wabika khassam, t'es pour toi, je me fais adversaire. » Et d'ailleurs, lorsqu'on se rappelle d'un épisode, et ça nous rappelle un épisode très important, lorsque le prophète, alayhi salatu wa salam, tout au début du message, lorsque le prophète sallam vint à lui Jibril alayhi salam. Il vint au prophète sallam pour lui dire de réciter. Avant même que le prophète sallam devint prophète, avant qu'il soit prophète. Alors que le prophète sallam était isolé dans cette grotte, et il est rapporté que le prophète sallam, la première fois qu'est venu à lui, donc Jibril, comme vous connaissez tous l'histoire, alors que le prophète sallam était isolé dans la grotte, il est dit qu'il avait fui l'adoration des idoles. Et déjà à l'époque, avant même qu'il soit prophète, le prophète, sallam, eh ben, il se consacrait à Allah, subhanahu wa ta'ala. À Allah. C'est pour ça qu'il est dit que lorsque le prophète, sallam, s'était isolé dans la grotte, c'était pour fuir l'adoration des idoles. Et pour se consacrer à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète avait l'habitude d'aller s'isoler et se recueillir dans cette grotte, seul, loin des polythéistes, jusqu'à ce dans une nuit, vint Jibril alayhi salam qui lui dit Iqra, lis. Donc l'épisode est célèbre, sauf que regardez, à un moment donné, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint chez son épouse Khadija bintul Khuwaylid, lorsqu'il revint, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout tremblant. Et c'est pour cela qu'ensuite, lorsqu'il s'est présenté à Khadija, il lui a dit enveloppe-moi, enveloppe-moi. Donc ensuite, Khadija, elle l'a enveloppé jusqu'à ce que la frayeur du prophète en somme s'est dissipée. Ensuite, Khadija interrogea le prophète en somme, mais qu'est-ce qui t'arrive? Que t'arrive-t-il? Alors le prophète en salam lui a décrit la scène, ce qu'il a subi avec Jibril alayhi salam, ce qu'il a vu lorsque Jibril avait pris le prophète alayhi salat wa salam et lui disait Iqra, récite au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Iqra. Et le prophète sallam lui répétait, je ne sais pas réciter, je ne sais pas lire. Donc ensuite, lorsque le prophète sallam revint tout tremblant vers Khadija, vers son épouse, hein, Khadija bintul Khuwaylid, alors il lui a dit enveloppe-moi, enveloppe-moi. Et là ensuite, lorsque Khadija entendit cela, elle dit par Allah, ma foi, Allah ne t'humiliera jamais. Regardez ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, tu cultives la parenté, compose avec tout le monde, tu assistes les nécessiteux, tu donnes hospitalité aux hôtes et tu aides à faire triompher la vérité. Regardez, déjà à l'époque, le prophète, regardez les qualités, les caractéristiques que le prophète avait. Regardez ses nobles caractères, déjà avant même la prophétie, regardez les qualités que le prophète avait. Et c'est pour cela que ensuite elle l'a emmené chez l'un de ses cousins. Elle l'a emmené chez l'un de ses cousins qui était Waraqa ibn Nawfal, qui était célèbre, hein. L'histoire est célèbre. Il est dit que Waraqa ibn Nawfal, c'était un chrétien à l'époque, depuis l'époque, hein, de Jahiliya, anti-islamique ou pré-islamique. Et lui, il avait une caractéristique, c'est qu'il savait écrire l'hébreu. Et il était dit qu'il pouvait écrire aisément l'évangile, dans cette langue, c'est-à-dire en hébreu. Et de ce fait, il est dit aussi que c'était un grand sage. Par contre, il était aveugle. Alors Khadija, elle alla avec le prophète sallam, Mohammed, vers Waraqa. Et elle lui dit, ô cousin, écoute ce que va te dire ton neveu. Regardez, c'était les Arabes, hein, à l'époque, les signes de respect, comment ils s'adressaient les uns aux autres avec ces signes de respect. Alors Waraqa dit au prophète sallam, neveu, que s'est-il passé? Alors le prophète sallam lui a décrit ce qu'il a vu. Alors Waraqa lui dit ensuite, c'est ça la loi. Une traduction relative, ce qui est rapporté, il dit, c'est ça la loi qu'Allah avait fait descendre sur Moussa, alayhi salam. Et regardez ce qu'il lui dit. Ah, si seulement j'étais jeune, si seulement j'étais en vie, au moment où ton peuple te fera sortir. Donc, Waraqa, le fait qu'il avait la connaissance en livre, le fait que c'était un sage, le fait que c'était une personne qui avait un savoir, lorsqu'il a vu le prophète, il a vu en lui le prophète, il a vu les signes de la prophétie. C'est pour cela, il lui dit, oh, si seulement j'étais J'étais jeune. Si seulement j'étais en vie au moment où ton peuple te fera sortir. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il lui dit, mais pourquoi mon peuple me fera sortir? Et là, Waraqa lui répond, oui, bien sûr, aucun homme n'a jamais apporté quelque chose de semblable à ce que tu apportes sans s'exposer à l'inimitié et à l'adversité. Mais si ce jour me trouve en vie, je t'aiderai énergiquement, une traduction relative. Et il a rapporté qu'ensuite que Waraqa, il est mort pas longtemps après. Que Waraqa, il ne tarda pas à mourir ensuite. Et c'est là qu'ensuite, une période, la révélation fut interrompue. Donc regardez, Waraqa a averti le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'antagonisme de son peuple. Et que son peuple, parmi les gens de son peuple, ils se feront adversaires au prophète. Mais le prophète ne savait pas cela au départ. Le prophète ne savait pas ce qu'il allait rencontrer comme épreuve, hein, comme épreuve face à son peuple lorsqu'il allait les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète était une miséricorde, comme on a dit précédemment. Alors que le prophète appelait son peuple, il va appeler son peuple, hein, à la bonté, à la bienfaisance, à l'unicité d'Allah, à l'adoration d'un Seigneur unique, il va les appeler à tout bien, alors que eux étaient vivaient dans l'obscurité, dans les ténèbres du paganisme. Alors que eux, ils vivaient dans les ténèbres de l'ignorance, le prophète, sans simple, va les appeler vers une lumière. Mais malgré cela, alors, il va être face à l'adversité, l'antagonisme, hein, et l'animosité de son peuple. Et d'ailleurs, c'est l'affaire de tous les croyants ensuite. C'est l'affaire de tous les prophètes et les messagers. Regardez, c'est pour ça qu'on a fait allusion au début de la locution, que lorsque vous lisez ces histoires qui nous sont narrées dans le Coran, vous voyez que tous les prophètes et messagers, eh ben, ont été adversaires à un moment donné de ceux qui se faisaient adversaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont connu l'antagonisme et l'animosité de leur peuple alors qu'ils les appelaient au bien. Eh bien, comme les prophètes ont subi cela, comme les messagers ont subi cela, sachez que les croyants, d'une manière générale, vont subir cela. Ils vont être face à l'adversité de leur peuple, parfois de proches ou autres. C'est pour ça qu'il faut toujours méditer cela. Les croyants, le fait qu'ils ont cru en Allah et le fait qu'ils adorent Allah, ce matin-là, les gens ne vont pas leur verser les tapis rouges devant eux. Comme on l'a dit maintes fois, le fait d'adhérer à l'islam, à ce message, le fait d'être croyant, le fait de croire au messager d'Allah, sans salam, le fait de faire partie de tous ces croyants depuis les premières générations, eh bien, de ce fait, les gens ne vont pas nous étaler les tapis rouges. Et donc, ça, c'est important. Et nous complimenter et nous faire les éloges pour ça. C'est pour ça qu'il est bon de revenir aux histoires des prophètes et des messagers. Et alors que, regardez, le prophète, sans qu'on a dit précédemment, ne faisait qu'appeler son peuple au bien alors qu'il vivait dans l'obscurantisme, alors qu'ils étaient vraiment dans les ténèbres. Et d'ailleurs, celui qui a vraiment, vraiment bien résumé le message du prophète, sans salam, c'était Ja'far ibn Abi Talib. Parmi ceux qui ont vraiment résumé le message du prophète, sans salam, ce compagnon Ja'far, qui fait partie des premiers émigrés, lorsqu'il y a eu les premiers émigrés qui ont émigré en Abyssinie, vers le Négus, à l'époque, en cette terre d'Abyssinie où qu'il y avait un roi juste qui était le Négus. Et regardez, à un moment donné, le Négus, il va vouloir entendre les croyants, les musulmans. Quelle était leur version des faits? Pourquoi? Parce que les polythéistes étaient partis jusqu'en Abyssinie pour aller essayer de convaincre le Négus de leur rendre les musulmans, pour qu'ils reviennent avec eux à la Mecque. Donc ils ne les ont pas lâchés. Même lorsque les musulmans ont émigré jusqu'en Abyssinie, les polythéistes de la Mecque sont partis les suivre. Ils étaient à leur trousse, hein, et ils voulaient les faire revenir. Ils voulaient les faire revenir. Donc à ce moment-là, ils ont essayé de convaincre le Négus. Alors le Négus, il a voulu entendre la version des faits des musulmans. Et il est rapporté dans le récit que c'est Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far, le célèbre compagnon, donc il faisait partie de ces premiers qui ont émigré vers l'Abyssinie. Alors c'est lui qui fut en quelque sorte, hein, une sorte de porte-parole pour les musulmans. Et regardez, il a vraiment résumé le message de l'islam. Donc on voit que les compagnons à l'époque avaient vraiment cerné, hein, avaient vraiment compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, ils le vivaient. La révélation, ils la vivaient. Et eux, ils vivaient cela, hein, ce contexte-là, et ils étaient en compagnie du prophète. C'est vraiment que lorsqu'on médite cela, vraiment, c'est quelque chose d'immense, le fait d'être avec le prophète et de vivre ses épreuves avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez Ja'far ibn Abi Talib, comment il avait très bien cerné l'islam et le message du prophète, et tellement il avait cerné cela, il a vraiment, d'une manière remarquable, il a réussi à résumer cela. Donc il s'adressait au négus en lui disant, « Nous faisions partie des gens de l'ignorance, et comme eux, adorions des idoles. Nous mangions de la charogne, pratiquions la fornication, on rompait hein, le lien de parenté, et on maltraitait nos voisins. » Et il disait, « Les plus forts parmi nous se nourrissaient des plus faibles. » Et nous ne cessions de vivre de la sorte jusqu'au jour où Allah Jalla wa Ala nous a envoyé un messager, qu'il choisit parmi nous, un messager d'où nous connaissons la généalogie, la franchise, l'honnêteté et la chasteté, qui nous appela à Allah, que nous devons adorer et considérer comme Dieu unique, comme Seigneur unique. Nous départissons de tout ce que nous adorions d'autre que lui. Nous et nos ancêtres comme pierres et idoles. Il nous ordonna le franc-parler, la restitution des choses confiées, le culte de la parenté, le bon voisinage, l'abstention des choses interdites et de l'effusion du sang. Il nous interdit la fornication, le mensonge, l'abus des biens des orphelins, l'accusation des femmes chastes et vertueuses, nous ordonnant d'adorer Allah, lui seul, sans l'associer à rien et ni à personne, de prier, de s'acquitter de la zakat et d'observer le jeûne. Sur ces bases, nous avons cru en lui et en sa mission, nous l'avons suivi dans la pratique de la religion qu'il nous a apportée. Ainsi avons-nous adoré Allah, subhanahu wa ta'ala, lui seul, sans l'associer à rien d'autre. Avons considéré comme illicite ce que nous a interdit et comme licite ce qu'il nous a ordonné. Alors notre peuple nous a torturés, notre peuple nous a fait subir des tourments, ils nous ont tourmentés à cause de notre religion, cherchant à nous ramener à l'adoration des idoles, au lieu d'Allah le Très-Haut, aux perversités que jadis nous considérions comme licites. Lorsqu'on a été contraint, maltraité et traqué, nous laissant aucune chance de pratiquer notre religion, alors on a fui vers votre pays, car nous vous avons choisi à l'exclusion des autres pour être sous votre protection et nous espérons ceci. Regardez vraiment comment Ja'far a vraiment résumer le message de l'islam et le message du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Pour cela, il est rapporté que Négus, lorsqu'il a entendu ces paroles, il a vraiment été touché. Le Négus a vraiment été touché. Pourquoi ? Parce que les gens qui avaient la connaissance, et lui, il avait la connaissance au sujet des livres, connaissaient les signes de la prophétie et connaissaient les signes d'un message véridique. Et c'est pour ça qu'il a vraiment été touché. Et regardez comment nous a résumé Ja'far ibn Abi Talib dans ce récit, l'islam tout simplement. Le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et regardez ensuite comment il décrit les tourments qu'ils ont subis, comment il décrit la réaction des polythéistes de Quraysh, du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont réagi face à ce message. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelle au bien, regardez, qu'est-ce qu'ils ont subi? Eh ben, sachez que tout croyant, toute croyante, eh ben, ils vont subir aussi des épreuves comme cela. C'est pour cela qu'on voit, par exemple, et ça, c'est important de le savoir, on fait un rappel parce qu'on a de nombreux frères qui se convertissent à l'islam. Et parfois, c'est très difficile. C'est très difficile le rapport qu'ils ont avec leur famille. Eh ben, ils vont subir des pressions parce que, avec toute la médiatisation, les gens essaient de ternir l'image de l'islam et des musulmans. Et ça a été fait en tout temps. En tout temps, ça a été fait. Pourquoi il en serait autrement aujourd'hui? Puisque c'était à l'époque des prophètes et des messagers. Pourquoi il en serait autrement aujourd'hui? Ceux qui sont croyants, vont subir les critiques, des autres et l'adversité de leur peuple et parfois de leurs proches, comme les premiers croyants des premières générations et de toutes les générations depuis le début de l'humanité ont subi. C'est pour ça qu'on a beaucoup de convertis parfois, ou d'autres, hein, qui subissent justement dépression de leur famille, l'adversité de leur famille, l'antagonisme de leur famille. On a des sœurs, par exemple, qui se convertissent à l'islam, qui subissent aussi dépression de leur famille du fait de la médiatisation, le fait qu'ils ont essayé de, en quelque sorte, de diaboliser les croyants et les croyantes. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de convertis, par exemple, qui subissent dépression ou d'autres aussi, même des gens qui sont à la base des musulmans, aussi ont des pressions de leur famille dues à leur pratique de la religion. Eh bien, le fait de se remémorer l'histoire des prophètes et des messagers, et que le prophète lui-même, le meilleur des hommes, a eu des adversaires, pour Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah subhanahu wa ta'ala, cela donne du réconfort. Et ça nous réconforte. Le fait d'être sur la voie des croyants, le fait d'être sur la voie des pieux et des vertueux. C'est pour ça que nos frères doivent exhorter toujours les nouveaux à l'islam qui n'ont pas de connaissances, par exemple des jeunes qui se convertissent, de les exhorter de la sorte, que c'est comme cela, lorsqu'on croit en Allah, Jalla wa'ala, la personne il sera éprouvée, on ne va pas lui faire forcément des compliments, il ne sera pas complimenté, il n'aura pas les éloges forcément pour cela, et ce n'est pas ce qu'on recherche dans notre islam et dans notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi nos sœurs, elles doivent faire leur appel à des sœurs qui se convertissent, qui sont nouvelles, qui n'ont pas de connaissances, il faut leur faire ce rappel-là. Pourquoi ? Parce que sachez que ce n'est pas fini. Sachez que vous allez en voir. Et comme on peut dire aussi, hein, avec des termes familiers, que les croyants risquent d'en baver. Ils vont être éprouvés. Ils vont entendre toutes sortes de choses, toutes sortes de méchancetés, toutes sortes de diabolisations. Ils vont entendre cela. Et c'est pour ça qu'il faut que le croyant soit prêt. Il faut que le croyant soit fort à accepter ça. Pourquoi ? Parce que les prophètes ont enduré cela. Les messagers ont enduré cela. Tous les peuples de croyants ont enduré cela. Donc, pourquoi aujourd'hui il en serait autrement ? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'exhorter à cette patience-là. Regardez souvent, par exemple, lorsqu'il est dit, lorsque beaucoup de croyants sont pointés du doigt, lorsqu'on dit à leur insu que ce sont des gens qui sont issus des banlieues, des gens qui étaient en rupture avec la société, rupture sociale ou autre, lorsque on dit ce sont les gens qui sont en bas de l'échelle, lorsqu'on dit ce sont les gens qui font pas partie de la haute classe sociale, qui ont des hauts rangs sociaux et autres. Vous avez vu tout cela? Bah, regardez par exemple l'histoire des prophètes, méditez Nuh, alayhi salam. Le peuple de Nuh disait la même chose à Nuh. Il disait, regarde, c'est les gens qui ont un statut inférieur dans la société qui te suivent. Yarni, ce sont les pauvres, ce sont les misérables, ce sont les faibles qui te suivent. Regardez, tous les prophètes, c'était comme cela. Leur peuple les accusait et les prenait en raillerie. Ils se moquaient d'eux en disant, regardez, c'est les faibles qui vous suivent. Regardez, ce sont ceux qui ont un statut inférieur, un bas rang social qui vous suivent, qui sont des croyants. Regardez, en général, ceux qui étaient là, ce qu'ils disent la haute classe, hein, ceux qui appartenaient au haut rang social, en général, eux se faisaient adversaires des prophètes et des messagers. Donc regardez, ils critiquaient, ils se moquaient des prophètes et des messagers en disant, regardez, ce sont les gens de la basse classe sociale qui vous suivent, ce sont les gens en ville, ce sont les pauvres, ce sont les vieillards, ce sont les gens faibles qui vous suivent. Et regardez, de même avec l'histoire du Négus, lorsque Abu Sufyan, à l'époque, qui appartenait aux polythéistes, avant qu'il se convertisse à l'islam, lorsqu'il est parti chercher justement pour ramener les musulmans vers la Mecque, lorsqu'il a eu ce débat, ou plutôt cette discussion avec le Négus, lorsque le Négus lui a demandé, donc il a posé des questions à Abu Sufyan au sujet du prophète, pour voir, il voulait voir. Donc il a demandé à Abu Sufyan, qui est-ce qui suit ? Parmi les choses qu'il a demandé, qui est-ce qui suit le prophète ? Et là, Abu Sufyan lui a fait part que c'était les faibles. C'était les pauvres, les faibles qui suivaient le prophète. Donc observez bien, il va lui demander sur ceux qui suivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa question, ça va être, qui est-ce qui suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce que ce sont les faibles, ou bien est-ce que ce sont les plus forts qui suivent le prophète, alayhi salatu wa sallam ? Et cette question, elle est pertinente de savoir qui est-ce en vérité qui était partisan au départ du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt, cette rencontre, c'était la rencontre alors que Abu Sufyan, il se trouvait en Syrie. Donc ce qui est dit plutôt, pour rectifier, c'était Abu Sufyan, alors qu'il se trouvait en Syrie à l'époque, il était à la tête d'une caravane. Vous savez, à l'époque, ils avaient ces caravanes, hein, Et lui, Abu Sufyan, c'était un marchand parmi les Quraysh. Et ça s'est produit au cours d'une trêve qu'il y a eu entre le prophète, sallam. Le prophète avait conclu une trêve entre lui et les infidèles de Quraysh à l'époque. Et alors que Abu Sufyan, lui, il était à la tête d'une caravane, c'est là qu'il a été, il a été demandé. Et le débat, c'était le dialogue donc entre lui et Héraclius. Entre lui et Héraclius. Et Héraclius, justement, a demandé. Il a convoqué, justement, les Quraysh. Il a convoqué les Quraysh et il voulait parler avec une personne qui était proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il voulait se renseigner. Alors, lorsque les Quraysh sont venus, ils étaient proches de lui, alors il leur a dit, lequel d'entre vous est le plus proche parent de cet homme qui prétend être prophète? Donc, Héraclius, à l'époque, il voulait avoir des renseignements sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'il a demandé à Quraysh, quel était l'homme parmi eux qui était le plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, Abu Sufyan a répondu moi. Et c'est lui ensuite qui s'est avancé. C'est lui ensuite qui s'est avancé. Et là, il est rapporté qu'ensuite, il lui a posé des questions. Il lui a posé des questions. Et parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit, qui est-ce qui suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ce sont les gens de, on va dire, de la haute classe? Ou bien ce sont ceux qui ont un rang, un statut inférieur dans la société. Et lui, Abu Sufyan, va lui dire, va lui répondre, ce sont plutôt ceux qui ont un rang inférieur. Ce sont les faibles. Ce sont les faibles qui ont suivi le prophète. Donc regardez, et là, Héraclius, lorsqu'il va lui poser les questions, et lorsqu'Abu Sufyan va lui répondre aux questions, à la fin, Héraclius va récapituler. Il va récapituler les questions qu'il lui a posées et il va lui dire « Je t'ai demandé au sujet des adeptes, de ceux qui croyaient au prophète Mohammed, qui croyaient en lui. Est-ce qu'il faisait partie des grands, c'est-à-dire de la haute classe, ou bien des gens plus humbles, des gens faibles ou de la classe sociale inférieure ?» Et il lui dit « Et tu m'as répondu que c'était les gens humbles, les gens faibles, qui avait suivi le prophète, sallam. Regardez ce qu'il va lui dire. Il lui dit, or, c'est toujours eux qui forment les partisans des prophètes. C'est toujours les gens faibles, les gens d'une classe sociale moindre, d'un statut inférieur. C'est toujours eux qui sont partisans des prophètes. Regardez cette parole, elle est immense. Regardez ce constat et ce témoignage en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est même pour cela que dans des hadiths, il nous est dit que la majorité de ceux qui vont peupler le paradis, ce sont des pauvres et des faibles. Donc les pauvres et les faibles, ce sont la majorité de ceux qui vont peupler et qui seront les habitants du paradis. C'est pour cela que il n'est pas dit que c'est ceux qui sont les riches, ceux qui détiennent un certain pouvoir, ceux qui sont détenteurs du pouvoir, ceux qui règnent, ceux qui appartiennent à la haute classe sociale, etc. Il n'est pas dit que ce sont eux qui vont peupler en majorité le paradis. Et il n'est pas dit dans les textes que ce sont eux, en général, qui ont suivi et qui ont été partisans des prophètes et des messagers. Mais bien au contraire, c'est pour cela que je vous ai dit, il faut vraiment méditer les histoires. La majorité de ceux qui étaient partisans des prophètes et des messagers, des envoyés d'Allah, c'était des pauvres, c'était des faibles. C'était des gens qui appartenaient à un statut inférieur. Et comme aussi pour les gens du paradis, il nous est rapporté dans des récits, comme rapporte Abdallah ibn Abbas, que la majorité de ceux qui vont peupler le paradis, ce sont des faibles et des pauvres. Comme il nous est rapporté dans un hadith, dans un récit, il nous est dit de récit de Abdallah ibn Abbas, et c'est un hadith qui est vraiment grandiose, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il dit, le paradis et l'enfer se sont disputés. L'enfer a dit, il y a en moi les orgueilleux et les tyrans. Regardez, alors que le paradis, dans le récit, nous a rapporté que le paradis et l'enfer, alors qu'ils se sont disputés, l'enfer a dit, il y a en moi les orgueilleux et les tyrans. C'est-à-dire que ceux qui peuplent en majorité l'enfer, hein, ceux qui ont peuplé l'enfer en majorité, ce sont les orgueilleux et les tyrans. Et le paradis a dit, il y a en moi que les gens faibles, les méprisés et les pauvres. Regardez, le paradis dit, il y a en moi les gens faibles, les méprisés et les pauvres. Et c'est pour cela qu'un savant, un cher Sulayman al-Rahili, a fait un rappel en disant aux serviteurs d'Allah, ne t'hérite pas. Ne t'hérite pas lorsque tu es pauvre. Ne t'hérite pas lorsque tu es faible. Ne t'hérite pas de ne pas avoir de notoriété auprès de gens. Puisque la majorité des gens du paradis sont des pauvres patients et des riches reconnaissants. Regardez, la majorité des gens du paradis sont des pauvres qui sont patients. Et s'il y en a qui sont riches, c'était des riches qui étaient reconnaissants. Donc il y a des riches qui sont pieux, qui sont vertueux, ceux-là sont les reconnaissants. Mais sur cette terre et au cours du temps, les riches en comparaison des pauvres sont rares. Et les riches reconnaissants encore plus rares. Ainsi les habitants du paradis sont composés de pauvres patients. Il s'agit de la portion majoritaire des gens du paradis. C'est-à-dire la majorité des gens du paradis, donc, sont des pauvres patients et de riches reconnaissants. Et cette portion est minime. La majorité des gens du paradis est composée de faibles, serviteurs d'Allah. Ta faiblesse ici-bas te ruinera-t-elle si tu es un croyant patient? Est-ce qu'elle va te ruiner, cette faiblesse que tu as? Si tu es, regardez le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es un serviteur patient, tant que tu es croyant, que tu es patient, alors que dans l'au-delà, tu feras partie des gens du paradis. Il dit par Allah, qu'elle ne te nuit guère cela. Et même si tu étais le plus pauvre et le plus faible d'entre les gens, tant que tu resteras patient et croyant, cela te nuira guère. Cela ne va pas te nuire aucunement, puisque la majorité des gens du paradis sont les faibles. La majorité des gens du paradis sont les faibles. Donc vous avez vu, hein, vous avez vu que c'est un rappel qu'il faut se faire. Et pour cela, ça, ce rappel, on se l'est fait lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette invocation, donc, a dit « Bika khassamt », donc par toi, je me fais adversaire. Donc vous avez vu, aussi bien les prophètes et les messagers, d'une manière générale, ont eu des adversaires. Et aussi bien notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a connu l'adversité face à son peuple. Donc il a connu l'animosité de son peuple, et comme cela est le chemin des croyants. Le chemin du paradis, le chemin qui mène vers le paradis, c'est un chemin qui est parsemé d'épreuves, où il faut endurer, de patience. Donc c'est un chemin qui est parsemé d'épreuves, d'endurance. C'est un chemin qui est parsemé de tourments et de malheurs. Tandis que le chemin de l'enfer, c'est un chemin qui est parsemé de passions, de désirs, de plaisirs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut méditer. Pour terminer, ensuite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour avancer, hein, on va essayer d'avancer. Le prophète, après qu'il ait mentionné « Par toi, ô Seigneur, je me fais adversaire »,« Wa ilayka hakamt ». Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Wa ilayka hakamt », c'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Et auprès de toi, je cherche le jugement ». En quelque sorte, yani hukumati tantahi ilayk la uhakimu ila ghayrik, c'est-à-dire que mon jugement t'appartient, auprès de toi je cherche le jugement. Fa shar'uka huwa al-hakam, ta législation fait référence de jugement. Fa ana uhakimu ilayk wa la ata'adda hukmak, et c'est comme si que le prophète en somme disait, et aucunement je transgresse ta loi ni dépasse les limites. وهذا تفويض تام لله كونا وقدرا. Et Cheikh dit là, le prophète sallam s'en remet, on voit que le prophète s'en remet totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'en remet totalement au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكل هذه الكلمات والجمل التي تتضمن هذا الثناء العظيم على الله كلها وسيلة لما سيأتي. Et là, regardez, Cheikh Al-Uthaymeen va dire une parole qui est vraiment une très belle parole dans son explication. Il va faire une très belle explication. Il va dire tout ce qui est précédé. Regardez, lorsque le prophète, sallam, et je voudrais qu'on conclue sur ça, lorsque le prophète, sallam, a fait les louanges d'Allah, au début de l'invocation, regardez pour conclure, lorsque le prophète, sallam, a fait les louanges d'Allah, lorsqu'il a compliment, il a fait les éloges ensuite d'Allah. Lorsqu'ensuite il a dit qu'Allah était le Seigneur des cieux et de la terre. Et qu'Allah, Jalla wa Ala, était celui qui illumine les cieux et la terre. Parmi les choses que le prophète, sallam, a dites. On éloge Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mentionné les six points qu'on a appris dans la dernière allocution, le fait qu'il ait dit que la parole d'Allah était vérité, la promesse d'Allah était vérité, que le paradis, l'enfer, l'heure parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées, que tout cela était vérité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion à son islam en disant « Allahumma laka aslamt, ô Seigneur, pour toi je me suis soumis, wa bika amant, ô Seigneur, en toi je crois ». Ô Seigneur, je m'en remets complètement, je place toute ma confiance en toi. Et vers toi, je reviens, mon retour se fait vers toi. Et pour toi, je me fais adversaire. Ensuite, le prophète Azam dit à la fin, tout cela, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, regardez, lorsque vous méditez tout cela, le prophète a dit tout cela pour ensuite dire une chose. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait introduit. C'est comme si c'était l'introduction d'une chose. Donc le prophète a fait les éloges d'Allah, le prophète a fait les louanges d'Allah, le prophète ensuite a fait allusion à sa soumission en disant qu'il était soumis à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite qu'il croyait en lui, qu'il s'en remettait en lui, qu'il revenait vers lui, que pour lui il se faisait les adversaires. Regardez, tout cela, c'était comme si c'était une introduction à une chose. Ces phrases-là, ces belles paroles, cette immense invocation, kulluha wasilatun lima sayati. C'est comme si ça introduisait quoi? Ce qui vient ensuite. Lorsque le prophète ensuite va dire farfirli, ô Seigneur, pardonne-moi. Regardez, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, c'est comme si que le prophète sallam avait invoqué Allah de cette manière parfaite. Cette immense invocation, il a fait les éloges d'Allah Jalla wa Ala de cette manière pour à la fin dire, ô Seigneur, pardonne-moi. Regardez, le prophète, le but, c'était à la fin de demander le pardon d'Allah, d'implorer l'absolution de ses fautes. Regardez, ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut méditer. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen précise bien et souligne bien ce point-là. Il dit donc, le prophète, ensuite, demande à Allah de lui pardonner, en lui disant « pardonne-moi mes péchés ». Mais regardez, il dit que le prophète a introduit cela par le « fa ». Il dit « farfirli ». Et le « fa » ici dans la langue arabe, c'est le « fa » de l'éloquence. « Fa ul fasiha » de l'éloquence. « Wa yajuz an takun lis sababiyya ». Et il est permis aussi dans la langue arabe, ils prennent le sens de « as-sababiyya », du caractère causal. « Ay bi sababi dhalik farfirli ». C'est-à-dire dans le sens « pour cause de cela ». Pardonne-moi au Seigneur. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, demande le pardon. Il demande qu'Allah, jalla wa ala, lui pardonne ses fautes. Et comme on va voir dans ce qui va suivre, il lui demande qu'il lui pardonne aussi bien les fautes passées que futures, c'est-à-dire antérieures, et les fautes à venir, comme les fautes commises en public ou bien d'une manière cachée, les fautes qui ont été dissimulées. Regardez, c'est vraiment une demande de pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est immense. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'élu d'Allah et celui qu'Allah jalla wa ala a choisi pour transmettre sa révélation. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné ses fautes antérieures et futures. Malgré cela, regardez cette manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette manière qu'il utilisait pour implorer le pardon de ses fautes. Et dans la prochaine allocution, inchallah, on continuera, on terminera sur cela. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, ensuite, il va expliquer vraiment le sens de qu'est-ce que le pardon et le fait qu'elle marfira, le fait qu'Allah pardonne le péché, qu'est-ce que cela sous-entend. Vous allez voir qu'il va nous expliquer quelque chose vraiment de très important. Wallahu a'lam. وبالله التوفيق وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك